et grand feuilleton de France Culture. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 7e épisode, l'abbé Faria. Dantès, à qui l'on refuse tout compagnon de cellule, voit un jour surgir dans son cachot un autre prisonnier qui, pour s'évader, a creusé patiemment une galerie. Mais une erreur de calcul l'a conduit chez Dantès. C'est un personnage étrange. On le prétend fou. Pourtant, son intelligence et son érudition éblouissent le jeune homme. Son ingéniosité aussi. Son nom, l'abbé Faria. 26 février 1829. Me suis-je trompé quant à la durée de mon enseignement, mon enfant ? Non, monsieur. Près de 7 années ont passé et je me sens riche de tout votre savoir. Je suis un autre homme. Mais ne pouvez-vous m'apprendre la philosophie ? Oh, la philosophie ne s'apprend pas. C'est la réunion des sciences acquises au génie qui les applique. C'est le nuage éclatant sur lequel le Christ a posé le pied pour remonter au ciel. Et puis... Oh, je n'ai plus de temps, non, pour vous enseigner encore quoi que ce soit. Monsieur, monsieur, qu'avez-vous ? Vous êtes tout pâle et la sueur ruisselle sur votre visage. Dans le pied de mon lit qui est creux, oui. Il y a un flacon, donnez-le-moi vite, vite, vite. Mes forces me quittent. Versez-moi quelques gouttes dans la bouche. Voilà, c'est tout. Mes forces sont revenues pour un temps. Il faut faire vite, car je vais mourir, mon ami. Oh non, monsieur, non. Non, votre pâleur a disparu. Vous voici revenu à la vie. Oh, pour un temps seulement, faisons vite. Et tout d'abord, gardez pour vous cet élixir. C'est Cabanis qui me l'a composé. Approchez-vous, Edmond, que je ne sois pas obligé de forcer la voix et écoutez-moi. Oui, monsieur. Regardez bien ce papier, Edmond. Oui. Oui, c'est un papier à demi brûlé et sur lequel sont tracés des caractères gothiques. Oui. Avec une encre singulière. Ce papier, mon ami, c'est mon trésor. Il vous appartiendra tout entier le jour de ma mort. Votre trésor. À votre attitude, je comprends ce qui se passe en vous en ce moment. Non, rassurez-vous. Je ne suis pas fou comme on a pu le croire. Ce trésor existe, vraiment. Ah, le voilà retombé. Ce malheur me manquait. Vous persistez dans votre incrédulité, Edmond. Il vous faut des preuves. Eh bien, lisez ce papier que je n'ai montré à personne avant vous. Mais je ne vois là que des lignes tronquées, des mots sans suite, interrompus par l'action du feu. Cela me paraît inintelligible. Mais pour vous, qui les lisait pour la première fois, mais pas pour moi, qui est pâli dessus pendant bien des nuits, qui est complété chaque phrase, complété chaque pensée, patiemment. Lisez. Ce trésor qui peut monter à deux d'écus romains dans l'angle le plus L de la seconde ouverture, lequel déclare lui appartenir en toute pro tier 25 avril 1409. Et vous croyez avoir trouvé le sens de ces mots sans suite ? J'en suis sûr. Vous en jugerez vous-même. Mais d'abord, écoutez l'histoire de ce papier. J'ai été le secrétaire, le familier du cardinal Spada, le dernier des princes de ce nom. Et sa maison n'avait plus de secret pour moi. Je l'avais souvent vu travailler à compulser des livres antiques et fouiller avidement dans la poussière des manuscrits de famille. Je n'ai pas manqué de lui reprocher ses inutiles veilles et l'espèce d'abattement qui les suivait. Oui. Un jour, il me dit en souriant. Mon oncle, Cesare Spada, était l'homme le plus riche de Rome, mon cher Faria. Or, il est mort après avoir rédigé le testament suivant. Je lègue à mon neveu bien-aimé mes coffres, mes livres, parmi lesquels mon beau bréviaire à coin d'or, désirant qu'il garde ses souvenirs de son oncle affectionné. Tout le monde s'étonna que Cesare Spada, l'homme riche, fut en fait le plus misérable des oncles. Moi-même étais persuadé qu'un autre testament devait être caché quelque part. C'est pour cette raison, mon cher Faria, que j'ai compulsé, feuillet après feuillet, tous ces vieux manuscrits. Et aujourd'hui, j'ai trouvé ce que tous ont cherché vainement. Là-dedans. C'est alors que le cardinal me tendit le bréviaire à coin d'or. Et que soudain il porta la main à sa gorge, suffoquant. Il se raidit et tomba sur le sol comme une masse. Il était mort. Hébété, je regardais le livre que j'avais en main et que le bon cardinal m'avait dit qu'il me léguerait à sa mort. Machinalement, je le feuilletais. Il ne cachait aucun testament secret. Mais alors, le trésor des Spades. Un peu de patience. En 1807, un mois avant mon arrestation et 15 jours après la mort du cardinal Spada, je me laissais surprendre par la nuit dans la bibliothèque. Il y avait à portée de la main le bréviaire à coin d'or. Je pris le vieux papier joli qui faisait office de signé et le présentai à la flamme de la cheminée afin d'allumer les bougies. Quelle ne fut pas ma stupeur de voir le papier se couvrir de caractères gothiques. Oui. De la main, j'étouffais la flamme. Il ne restait plus qu'un seul fragment lisible, celui que je viens de vous faire lire, et des parcelles que je recueillis dans les cendres. Il me fallut plusieurs années pour reconstituer à l'aide de ces parcelles et de l'histoire de la famille d'Espada que je connaissais dans ses moindres détails. Le texte complet du testament secret. Et ce testament, qu'en avez-vous fait? Le voici. Tenez, lisez. Ce jour du 25 avril 1498, ayant été invité à dîner par sa sainteté Alexandre VI Borgia, et craignant qu'il ne veuille hériter de moi, et ne me réserve la mort des cardinaux Caprara et Bentivoglio, oui, morts empoisonnés, je déclare à mon neveu Guido Spada, mon légataire universel, que j'ai enfoui dans un endroit qu'il connaît pour l'avoir visité avec moi, c'est-à-dire dans les grottes de la petite île de Monte Cristo, tout ce que je possédais de lingots, d'or monnayé, pierreries, diamants, oui, bijoux. Oui. Que seul je connais l'existence de ce trésor qui peut monter à près de 2 millions d'écus romains, et qu'il trouvera, ayant levé la 20e roche à partir de la petite crique de l'Est, en droite ligne. Continuez. Deux ouvertures ont été pratiquées dans ces grottes. Le trésor est dans l'angle le plus éloigné de la deuxième, lequel trésor je lui lègue en toute propriété, comme à mon seul héritier, 25 avril 1498, César, cardinal Spada. Eh bien, Edmond, comprenez-vous, enfin? Ah oui, mille fois, oui, oui. C'est donc là le testament que l'on cherchait depuis si longtemps. Oui. Ah, mon Dieu! Voilà que la crise me reprend. Oh, la dernière. Oh, cette fois, je sais que je vais mourir, il n'y a plus d'espoir. Non, non, non, je vous sauverai, moi. Tenez, buvez. Buvez votre élixir. Oh, inutile. Il n'agira pas deux fois, je le sais. Edmond, vous êtes mon fils. Oui. Dieu vous a envoyé à moi pour consoler à la fois l'homme qui ne pouvait être père et le prisonnier qui ne pouvait être libre. Oh, Edmond, vous vous évaderez un jour, mais oui. Pensez à mon échelle de corde. Prenez ce papier. Le trésor est à vous. Non, je vous en supplie, buvez ce breuvage. Il vous sauvera encore une fois, j'en suis sûr. Non, Dieu veut que l'homme qu'il a créé et dans le cœur duquel il a si profondément enraciné l'amour de la vie fasse tout ce qu'il pourra pour conserver cette existence pénible, parfois si chère. De... Je vous sauverai, vous dis-je. Cet horrible tremblement qui secoue tout mon corps. Dans 5 minutes, le mal éclatera et dans un quart d'heure, il ne restera plus de moi qu'un cadavre. Ah, non, non. Vous devez rester avec moi. Edmond. Mais que ferai-je sans vous? Edmond Dantès, maintenant, au moment de me séparer de vous, pour jamais. Non, monsieur. Je vous souhaite tout le bonheur, toute la prospérité que vous méritez. Mon fils, je vous bénis. Mon monsieur, mon maître vénéré. Et surtout, écoutez bien ce que je vous dis, pendant que j'en ai encore la force. À ce moment suprême, le trésor d'Espada existe. Dieu permet qu'il n'y ait plus pour moi ni distance, ni obstacle. Je le vois au fond de la seconde grotte. Mes yeux percent les profondeurs de la terre et sont éblouis par tant de richesses. Si vous parvenez à fuir, et vous y parviendrez, rappelez-vous que le pauvre abbé, que tout le monde croyait fou, ne l'était pas. une fois libre, courez à Monte Cristo. Profitez de votre fortune, profitez-en. Vous avez assez souffert. Monsieur. Oh, Seigneur, accueillez le pauvre Faria dans toute votre bonté. Votre main, mon fils. Adieu, Edmond. Adieu. Non, pas encore. Non. Mon Dieu, ne nous abandonnez pas, secourez-le. À l'aide, ah, à moi. Silence, silence, silence. Qu'on ne nous sépare surtout pas en cet instant. Oui, vous avez raison. Oui. Et puis, je souffre moins parce qu'il y a en moi moins de force pour souffrir. À votre âge, on a foi dans la vie. C'est le privilège de la jeunesse de croire et d'espérer. Mais les vieillards voient plus clairement la mort. Oh, la voilà. Elle vient. C'est fini. Ma vue se perd. Ma raison s'enfuit. Oh. Serrez ma main, Edmond. Serrez ma main. Adieu. Monte Cristo. N'oubliez pas. Monte Cristo. Le lendemain, 27 février 1829. Pas de vin aujourd'hui, c'est lundi. Voilà ton cochon d'eau et ton pain. Hé, 34, tu es malade ? Tu en fais une tête ce matin. As-tu fait un cauchemar? Un cauchemar, oui. Un bon conseil. Mange et ne pense à rien. C'est maintenant qu'ils vont découvrir la dépouille de mon pauvre ami. Que vont-ils en faire? Que fait-on des morts dans ce tombeau? La galerie. Je vais me glisser dans la galerie. Thank you. Voilà comment j'ai trouvé, monsieur le gouverneur. Il me paraît bien mort. Jetez-lui cette cruche d'eau sur le visage. Oui, monsieur. Il n'a pas bronché, le bougre. Faut-il faire chauffer les fers, monsieur ? Inutile. Il est bien mort, en effet. Cette fois, ça y est, le fou est allé rejoindre son trésor. Mais avec tous ces millions, il n'aura même pas de quoi se payer un linceul. Quoi ? On ne fera pas quelques frais en faveur de cet homme d'église ? Si. Il aura les honneurs du sac. Le voici, monsieur. J'avais tout prévu. Un sac tout neuf. Dans ce cas, allez-y. Ensachez le cadavre. Y aura-t-il une messe, monsieur le gouverneur ? Non, j'ai donné congé au chapelain. Hein ? Bien. Et quand est-ce qu'on le... Ce soir. À quelle heure ? Vers 10 ou 11 heures. Ah. Veillera-t-on le mort ? Pourquoi faire ? On fermera le cachot comme s'il était vivant, voilà tout. Allons, je vous laisse. Finissez votre ouvrage. Faites-moi confiance, monsieur le gouverneur. J'ai l'habitude. Les honneurs du sac. Qu'ont-ils voulu dire ? C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 7e épisode, l'abbé Faria. Avec Edmond Dantès, Pierre Santini. L'abbé Faria, Louis Arbessier. Le cardinal Spada, Yves Pénaud. Le gouverneur, Jean-Pierre Moreux. Le geôlier, Jacques Bouvier. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 21 octobre 1980. En attendant la suite, demain à la même heure, voici un écho de l'émission Édition spéciale diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 22 juillet 1961. Histoire de ne pas oublier, mais comment l'oublierait-on, que le roman d'Alexandre Dumas n'a pas été adapté seulement à la radio. Édition spéciale. Une émission de reportage et de documents du journal Parler. Aujourd'hui, Monte Cristo, une émission de Christelle Page. Depuis 46 ans, Monte Cristo est devenu un classique international du cinéma. L'Amérique et l'Angleterre ont rivalisé avec la France qui, en 1942, avait confié le rôle du célèbre héros romantique à Pierre-Richard Wilm, puis à Jean Marais en 1955. Aujourd'hui, Claude Autant-Lara a choisi Louis Jourdan. Christelle Page assiste au tournage. Claude Autant-Lara, j'aimerais que vous me disiez quelles sont les différences que vous avez introduites dans la réalisation et surtout la conception de ce Monte Cristo par rapport à ceux qui ont été tournés antérieurement. Je crois savoir que celui que je fais, le Monte Cristo que je fais actuellement, sera plus romantique que les autres. Les autres étaient très très spectaculaires, celui-ci le sera aussi d'ailleurs, mais j'ai plutôt appuyé sur le caractère des personnages qui m'a semblé intéressant et pouvoir donner naissance à des personnages romantiques, peut-être un peu plus sensibles, un peu plus sentimentaux et un peu plus fouillés qu'ils n'en ont été dans les précédents Monte Cristo, c'est tout. C'est une différence qui tient à mes goûts personnels. Et vous le tournez en couleur ou en noir et blanc ? Non, en couleur et en scope. Est-ce que vous croyez-vous qu'il soit pure légende ? Ah, pas du tout. Dumas a écrit le Comte de Monte Cristo en s'appuyant sur des faits précis. Et il y a dans les assises, je crois, aux assises d'Aix-en-Provence, dans les archives, il y a les documents qui sont à l'origine de l'histoire de Monte Cristo, qui est une histoire parfaitement authentique. Et Jourdan ? Je crois qu'il lui donne un cachet, une classe, une aisance, une aristocratie et un charme qui me semble extrêmement sympathique et séduisant. Je crois qu'il sera un excellent Monte Cristo. En somme, vous tournez un Monte Cristo en douceur ? Plus en douceur. J'ai essayé d'atténuer le côté vindicatif du personnage qui ne me semblait pas extrêmement plaisant. Le côté vengeance qui n'est pas extrêmement agréable. J'en ai plutôt fait un homme qui a le sens de la justice. Louis Jourdan, j'aimerais que vous me parliez de votre personnage de Monte Cristo. Je crois qu'il y a deux personnages dans Monte Cristo. Il y a le personnage d'Edmond Dantès, qui est la première partie de l'histoire, et le personnage de Monte Cristo dans la deuxième partie. Ce sont deux personnages tout à fait différents. Dantès, au début, à 20 ans, c'est un jeune homme très simple qui aime Mercedes et qui va épouser la femme qu'il aime. Il n'a aucun problème, il est du Midi, la famille est du Midi. Ça rappelle beaucoup Marius, comme atmosphère de Pagnol. Et c'est une famille sans histoire et sans problème. Arrive le complot. Cet homme est emprisonné pendant 17 ans de sa vie. Il rencontre l'abbé Faria qui l'éduque, qui fait de lui un autre homme. Et quand cet homme sort de prison, il est le comte de Monte Cristo. Il est quelqu'un de tout à fait différent. C'est ce qui est intéressant pour un acteur dans le même film. Je crois qu'il y a pour moi une possibilité de jouer deux rôles. Et lequel des deux Monte Cristo préférez-vous ? Enfin, Dantès ou Monte Cristo ? Je préfère Monte Cristo. Pour quelle raison ? Parce que Monte Cristo, d'abord, est le personnage compliqué. C'est l'homme, quand Monte Cristo sort de prison, il a 45 ans. C'est un personnage qui a souffert, qui a réfléchi, qui a été complètement éduqué par l'abbé Faria en prison et qui sort avec ses complications, ses problèmes. Et évidemment, c'est beaucoup plus intéressant pour un acteur qu'un jeune homme sans problème. Monte Cristo 420A, quatrième. Allons-y derrière. Votre triomphe n'est pas modeste, monsieur le comte de Monte Cristo. Est-ce pour fêter votre victoire sur Villefort que vous avez organisé cette brillante soirée ? Ce n'est qu'un jeu, je m'amuse à compter ses amis. Sachez donc que je suis au nombre de ceux qui lui restent fidèles. Et si j'ai accepté votre invitation, à laquelle j'ai tenu à me rendre seul, c'est pour avoir une dernière entrevue avec un personnage un peu trop mystérieux, qui, par un goût immodéré de l'originalité, semble oublier les règles élémentaires de la prudence. Je ne redoute que le mensonge et l'injustice. Je m'attends donc à avoir beaucoup d'ennemis. Mais j'aime le risque. Le scandale est une arme dangereuse, monsieur le comte. Dangereuse pour tout le monde. Et vous commencez à donner le mauvais exemple. Figurez-vous qu'aujourd'hui, le moniteur s'en est pris à ma personne. J'ai lu cet article, en effet. Vous n'y êtes pas nommé ? Non, mais c'est pire. Les gens cherchent et sont trop heureux d'avoir trouvé. Ils ne veulent plus douter. Où allons-nous si un journal de ce genre se met à publier n'importe quoi sur n'importe qui ? Surtout quand il ne s'agit ni de n'importe qui, ni de n'importe quoi. Mais ne vous inquiétez pas outre mesure. Et souvenez-vous que le mépris au service de la vérité peut être quelquefois la plus noble des réponses. C'était une enquête de Christelle Page. Un extrait d'édition spéciale. Cette enquête a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 22 juillet 1961. Vous pouvez télécharger cet épisode ainsi que les précédents sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.